Affaire sensible, la fiction. Aujourd'hui, l'enlèvement de deux étoiles dans le ciel de Corée. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Touzet, réalisée par Sophie Aupicon. Certaines histoires sont plus étranges que d'autres, et d'autres encore relèvent carrément de la folie. C'est un peu le cas aujourd'hui dans Affaire sensible, la fiction. Nous vous racontons l'histoire hallucinante de Shin Sang-ok et Che Eun-hee, une actrice et un cinéaste sud-coréen mariés et divorcés, kidnappés en 1978 à Hong Kong par les sbires de Kim Jong-il, le dictateur nord-coréen, le père du dictateur actuel, Kim Jong-un, plus préoccupé lui par l'obtention de la bombe atomique que par le cinéma. L'enlèvement de ces deux stars de la Corée du Sud, dans le but tout simplement de créer de toutes pièces un cinéma nord-coréen et satisfaire la passion et les rêves du leader de Pyongyang, est déjà de ce point de vue édifiante. 8 ans de prison, de torture, de lavage de cerveau, de cinéma forcé, avant que Shin Sang-ok et Che Eun-hee ne réussissent à s'échapper et à s'exiler. Car dès la fin des années 70, la Corée du Nord a fait du rap une industrie locale. Pendant plusieurs années, le régime nord-coréen a fait enlever des centaines de ressortissants de pays voisins et même européens afin de former ses espions aux langues et cultures étrangères ou pour voler des identités. La Corée du Nord, appelée le royaume ermite, prise en tenaille entre les empires chinois, japonais et russes, s'est refermée totalement sur elle-même. Cette situation l'a souvent conduite à des extrêmes, des surenchères, comme aujourd'hui avec les lancements de missiles et les menaces nucléaires. Alors, quel est ce pays? Et surtout, l'ubuesque dynastie des Kim, qui dirige le pays de père en fils depuis 3 générations, est-elle un ramassis de fous? Pour répondre à ces questions et approfondir notre voyage en Corée du Nord, nous recevrons après la fiction Juliette Morillo, spécialiste de ce pays et co-auteur avec Dorian Malovitch du livre intitulé « La Corée du Nord en 100 questions » publié chez Texto. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'enlèvement de 2 étoiles dans le ciel de Corée. L'affaire Shin Sang-ok et Choi Yoon-hee, de Philippe Touzet. 18 mars 1986, ambassade américaine, Vienne, Autriche. Ferme cette putain de porte, on s'entend plus. S'il te plaît, merci Jessica. Oui, s'il te plaît, merci Jessica. Mais tu vas rentrer, putain de cassette. C'est pas possible que je sois emmerdé par un magnétoscope japonais au pays des bretzels. T'es en pleine forme. Quand tu penses que je vais manquer le match de l'année, les Lakers contre les Chicago Bulls, Magic Johnson contre Michael Jordan... C'est qu'un match, hein. Arrête de dire ça, tout le monde me dit ça. Heureusement que mon frangin peut accompagner ma fille, parce qu'alors là, ça aurait été la totale. Jennifer aime le basket. C'est quoi cette remarque à la con? Bien sûr que ma fille aime le basket. Elle joue au basket, elle joue très bien au basket. Tu pensais quoi, qu'on l'avait inscrite à un cours de couture ou de repassage devant la télé? Peter, tu m'étonneras toujours. Allez, donne-moi la cassette et pousse-toi. Avec les machines, faut faire preuve de douceur. Voilà, c'est prêt. T'as plus qu'à appuyer sur la touche play. Tu crois que je vais y arriver? Qu'est-ce qu'il y a sur ta cassette? La conférence de presse de ce matin. Je veux la visionner avant de les voir pour la première fois. C'est pas con. J'ai fait des études. C'est quand même incroyable cette histoire. Ils n'ont pas fini de les interroger et ils organisent une conférence de presse. Et dans le même temps, on nous fait venir de Los Angeles pour poursuivre l'interrogatoire, comme si nos petits copains d'ici ne pouvaient pas s'en occuper. Ils sont pas aussi spécialisés que nous. Ouais. Tout à l'heure, j'ai parlé avec Gary. L'attaché culturel? Ouais, c'est ça. Le genre de type qui connaît par cœur les films de John Wayne. Il m'a dit qu'il la sentait pas, cette affaire. Il y a trop de zones d'ombre. Pas clair du tout. Surtout le type, là, Shin. Il a fait une drôle d'impression. Il le trouve trop malin, il a réponse à tout. D'après lui, il sait pas où, mais il y a quelque chose qui cloche. D'après lui. Moi, j'ai vu Jimmy, le type qui a dirigé les premiers interrogatoires. Écoute, il m'a dit sensiblement la même chose. Lui aussi, il a été gêné par ce côté réponse à tout. Comme si tous les deux, ils avaient appris un texte par cœur. Des comédiens? Non, elle est comédienne. Lui, il est réalisateur. Bon, c'est pareil. Des professionnels de l'illusion, des pros du mensonge. Bon, allez, regarde ta cassette. Moi, avant qu'ils arrivent, je veux revoir 2-3 points dans le dossier. Tu fais la chef? Oui, je fais la chef. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis la chef. Allez, au boulot. Bon, alors, elle est où la touche play? Play, P-L-A-Y. Merci, chef. C'est à ce genre de petits détails qu'on comprend pourquoi vous êtes chef, chef. Alors, non mais c'est pas vrai, mais j'ai de la merde dans les yeux ou quoi? Me dis pas que je vais être obligé de me lever. Ah non, bon, ça y est. Mesdames et messieurs les journalistes, Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on peut y aller? Oui, ok. Mesdames et messieurs les journalistes, on m'a transmis les informations suivantes. Monsieur Chin et Madame Choi, tous deux sud-coréens, sont mariés. Bon, enfin, ça, c'est des conneries. Monsieur Chin est un célèbre réalisateur et Madame Choi, une célèbre actrice dans l'industrie cinématographique sud-coréenne. Alors, ils avaient 60-70, mais là, ils sont plutôt à la ramasse. Hein. Mais tu la terre. To the last day, on dirait mon père, toujours en train de commenter les infos. Je croyais que tu consultais tes dossiers. Il y a 8 ans, Madame Choi est apparue en Corée du Nord après un passage à Hong Kong. Suite à quoi, Monsieur Chin est allé à Hong Kong et plus tard en Corée du Nord. Il évite soigneusement de parler d'enlèvement. Cette conférence est organisée à la demande de Monsieur Chin et de Madame Choi. Ah, mais quel est le con qui a autorisé ça? Et qui veux-tu que ce soit, l'ambassadeur? Ouais, bon, alors lui, il va finir jardinier à la Maison Blanche. Toutefois, je tiens à préciser, avant de céder la parole à Monsieur Chin Sang-ok et Madame Choi Un-hee, que le 13 mars, Monsieur Chin Sang-ok et Madame Choi Un-hee ont demandé de l'aide au gouvernement américain. Nous les avons aidés. Vous comprendrez aisément que je ne peux pas vous en dire plus. Mais t'as déjà tout dit, abruti. Je vous laisse la parole. Allez. Bonjour mesdames et messieurs. Je me présente, Chin Sang-ok. Apparemment, il est célèbre, mais personne ne sait qui c'est. C'est une star en Corée du Sud. Oui, enfin nous, Clint Eastwood, tout le monde sait qui c'est. Mais oui, on est les plus beaux, on est les plus forts. Mais c'est vrai. Peut-être que ceux d'entre vous qui vivent en liberté ne comprendront pas notre peur. Mais la peur est en nous, au plus profond de notre âme. Je tiens à souligner que notre expérience a été éprouvante, psychologiquement et physiquement. C'est pas mal, hein? 8 années de notre vie en enfer. Oh, oh, c'est pas mon genre. Léon, on va pas reparler de tout ça. Par contre, ces grosses lunettes fumées, là. Oh, on dirait une vieille chouette. Alors, bien sûr, on nous a donné des moyens, la possibilité de faire des films. Des moyens. Nous pouvions voyager en Europe, mais nous étions constamment surveillés. Ne vous méprenez pas. Nous avons été utilisés comme des marionnettes, des objets de propagande. C'est vrai. Mais sur pause, s'il te plaît. Oui ? Comment ça, ils sont là ? Mais vous pouviez pas nous appeler ? Vous êtes complètement la rue dans cette ambassade. Quoi ? Mais je dis ce que je veux, espèce de connard, et t'as de la chance de pas être en face de moi. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont là. Quoi, ils sont là ? Mais là, dans le couloir, derrière la porte. Quoi ? Mais depuis combien de temps ? Je sais pas. Merde ! Bon, éteins le magnéto. C'est où ? Il est où le dossier ? Ah, tiens, prends ça, range ça. Voilà, allez. C'est bon, t'as tout ? Ouais, c'est bon, vas-y. Bah, Peter ? Quoi ? Tu peux ouvrir la porte ? S'il te plaît. S'il te plaît. Entrez. Vous pouvez vous asseoir. Vous désirez un thé, du café, un verre d'eau ? Non, merci. Ça ira. Les agents Torossi et Malika ne sont pas là. Vous pouvez vous asseoir. Bon, asseyez-vous, madame, et vous aussi, monsieur. Que se passe-t-il ? Je veux savoir où sont les agents Torossi et Malika. Vous désirez un thé, du café, un verre d'eau ? Asseyez-vous. Madame Choi Un-hee, quelle est votre date de naissance ? J'ai déjà répondu à cette question. Quelle est votre date de naissance ? Donc, pour résumer, vous décidez d'aller à Hong Kong. J'ai été considérée comme une star dans mon pays. Mais je ne tournais plus beaucoup. Quand vous avez dépassé les 50 ans, ça devient très compliqué pour une comédienne. Alors, je me suis tournée vers l'étranger. Vous aussi, vous étiez dans la même situation. Oui. En 1974, les autorités sud-coréennes ont décidé d'interdire purement et simplement mes activités professionnelles. J'ai été dans l'obligation de fermer ma boîte de production. De toute façon, vous l'auriez fermée, hein. Vous étiez endettée de la tête aux pieds. On avait tout perdu. Notre maison, et même la maison des parents de Choi qu'on avait hypothéquée. Revenons en 1978. Une de vos amies, madame, vous dit qu'elle a appris qu'une personne très riche souhaitait investir dans le cinéma à Hong Kong. C'est exact. Et malgré la minceur de l'information, vous décidez de partir là-bas. Oui, je suis allée à Hong Kong. Mais je serais aussi bien partie à Pékin, Tokyo, Paris ou Los Angeles. À partir du moment où on me donne du travail. C'était une de mes meilleures amies. Je pense qu'elle a été manipulée. Et puis à Hong Kong, nous avions encore une succursale de notre maison de production, la Chin Film. C'est son directeur qui est venu m'accueillir à l'aéroport. Lui aussi, il avait entendu parler de cette possibilité de financement. Lui aussi, il a sûrement été manipulé. C'est lui qui m'a présenté mon guide. Oui, la dénommée Lee Sang-hee, membre des services secrets nord-coréens. Je ne pouvais pas me douter, dans l'après-midi, Elle est venue me chercher à l'hôtel avec sa fille. Elle n'a pas d'enfant. Continuez. Nous nous sommes promenés. Je jouais avec la petite fille. La maison du producteur était située de l'autre côté de la baie. Il fallait prendre un hors-bord. Quatre hommes nous attendaient sur le quai. Je me souviens m'être dit, quatre hommes pour un si petit bateau, c'est beaucoup. Mais même là, je ne me suis pas méfiée. Ils se sont jetés sur moi. Un homme a bloqué mes bras. Il était derrière moi. Il m'a soulevé de terre. Un autre a mis un chiffon sur ma bouche. Vous voulez un verre d'eau? Non. Mais je peux fumer? Bien sûr. Je n'ai pas de cigarette. Peter, donne une cigarette à la dame. Oh. Oui. Merci. Je peux en avoir une? Ah bah voyons, bah mon nom de famille c'est Bartaba, hein, Peter Bartaba. Oh, Peter. Non mais je pose le paquet sur le bureau avec le briquet qui s'appelle Reviens, hein. Reprenez s'il vous plaît. Quand je me suis réveillée, j'ai été à bord d'un cargo, dans la cabine du capitaine. Il avait un médecin avec plein d'instruments qui brillaient. J'avais très peur. Il m'a fait des piqûres pendant 7 jours. J'étais constamment dans un état comateux. Nous sommes arrivés au port de Nambo, en Corée du Nord. J'étais tétanisée. Sur le quai, il y avait des dizaines de photographes. Deux agents m'ont prise par le bras et m'ont menée vers un homme qui, visiblement, m'attendait. Nous nous sommes serrés la main. Les flashs crépitaient. Merci d'être venu. Je suis Kim Jong-il. Alors, vous disparaissez le 22 janvier 1978. J'ai été enlevé. À l'hôtel Furuma, vous êtes descendu, tout paraît normal dans votre chambre. Rien n'a été touché, les bagages, les vêtements, les objets personnels, les produits de beauté sont dans la salle de bain. Tout semble indiquer une disparition soudaine. J'ai été enlevé. Choi, je t'en prie. Dès le lendemain, le journal Oriental Daily News titre en première page « Le mystère de l'actrice disparue ». C'est beau comme du Arthur Conan Doyle. Et puis plus rien jusqu'au 13 février. Là, les collègues de Hong Kong localisent l'appartement de Lee Sang-hee, votre guide. Bien sûr, l'oiseau a quitté le nid, mais il trouve un billet d'avion de la compagnie nord-coréenne et un scénario intitulé « Woman Slave Ship ». Scénario signé par Shin Sang-ok. Je ne savais pas. Les indices relevés accréditent la thèse de l'enlèvement. Il vous a fallu 15 jours pour arriver à cette conclusion? Bon, madame, je vous rappelle que nous n'étions pas en charge de l'enquête. La présence de ce scénario peut laisser supposer que la véritable cible est monsieur Chin Sang-ok et que vous, madame, on vous aurait utilisé comme un appât. C'est ce qui s'est passé. Nous l'avons appris de la bouche même de Kim Jong-il. Et ça a marché, puisque monsieur est arrivé à Hong Kong très peu de temps après votre enlèvement. Vous étiez divorcé à l'époque? Oui. Vous aviez refait votre vie. Je n'aime pas cette expression-là, comme si on pouvait refaire sa vie. À la rigueur, on continue avec d'autres personnes dans d'autres endroits, à l'envers de ce qu'on faisait avant. Peter, on n'est pas dans un cours de philo. Mais bref, vous aviez refait votre vie, excusez-moi pour l'expression, j'ai rien d'autre dans le magasin, avec une jeune comédienne de 25 ans et qui avait 25 ans de moins que vous. Est-ce que ces précisions sont utiles? Ce ne sont pas des précisions, ce sont des faits. Cette jeune femme se nomme Oh Soo-mi. Alors, question, pourquoi quitter les bras douillets de votre compagne pour aller vous jeter dans la gueule du loup à Hong Kong à la recherche de votre ex-épouse? Parce que c'est Choi, la mère de mes deux enfants. Vous parlez de qui? Pardon? Oh Soo-mi, avec qui vous avez eu deux enfants, ou Choi Eun-hee, avec qui vous avez adopté deux enfants? Vos questions sont dégueulasses. Vous êtes ignoble. Allô, le poste de garde? Passez-moi le chef de poste. Oui, bonjour, sergent. Envoyez-moi deux MP le plus vite possible, salle 308, troisième étage. C'est pour raccompagner deux personnes à l'extérieur. Oui, c'est ça, à l'extérieur de l'ambassade. On n'allait pas faire ça. Ah, si. Vous cherchez à nous humilier, hein? Vous voulez nous voir à genoux? Ah non, non. Vous avez passé 8 ans en Corée du Nord, on prend nos précautions. Mais c'est complètement stupide. Bon, ça s'est déjà vu, des personnes qui ont été retournées, qui sont devenues des agents extrêmement redoutables, tout dévoués à leur cause. Oh, ils ont fait vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se quitte sur un malentendu ou on poursuit les discussions? Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous ne ménagez pas votre peine. On vous voit partout. Vous traversez Hong Kong de part en part à la recherche de votre ex-épouse. Vous posez des questions à droite et à gauche. On ne voit que vous. Votre comportement provoque l'étonnement, puis la suspicion. La police vous convoque. Et là, le rapport de nos collègues n'est guère à votre avantage. Ils vous trouvent arrogant, l'air absent. Vos réponses sont incohérentes. Il est écrit, noir sur blanc, que votre attitude les a mis mal à l'aise. Et ça, c'est le genre de commentaire qui n'est pas courant dans un rapport de police. Moi, je me demande si cette recherche effrénée de votre ex-épouse ne cache pas un autre motif. Du matin au soir, on ne voit que vous dans les rues de Hong Kong. Pour vous faire remarquer par les services secrets nord-coréens, il vous manque plus qu'un gyrophare sur la tête et la panoplie est complète. On pourrait peut-être même rajouter une pancarte. « Coucou, je suis là, enlevez-moi, s'il vous plaît. » Vous trompez sur toute la ligne. Ouais. Et ce qui devait arriver arriva, vous vous êtes fait enlever. Mais avant, vous aviez retrouvé votre ami Kim Kyu, un ami de longue date qui travaille lui aussi dans le cinéma. Vous lui avez demandé de vous aider, c'est bien naturel, un ami s'est fait pour ça. Il est de Hong Kong, il connaît tout le monde, mais alors patatras, je dirais même saperlipopette. Kim Kyu est un agent nord-coréen. Mais c'est fou. Oh, c'est dingue. Tu vas me dire, quitte à se faire enlever, autant se faire enlever par un ami. Hein. C'est sûrement plus agréable. Vous amusez bien, hein? Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. Bien sûr. Peter, il y a une fontaine dans le couloir. Vous voulez aussi un verre d'eau, monsieur? Non, merci. Et Peter, dis aux MP qu'ils peuvent retourner au poste de garde. Donc, nous sommes le 19 juillet 1978. Vous êtes en voiture avec votre ami, le nommé Kim Kyu. C'est lui qui conduit. Coup de frein. Quatre hommes surgissent dans la voiture. Chloroforme, sac sur la tête, cargo, le port de Nampo. Et vous voilà au pays des réveils douloureux. Oui, c'est ça. Si, au niveau de l'enlèvement, le mode opératoire est sensiblement le même, la voiture remplace le hors-bord, en ce qui concerne l'accueil qui vous a été réservé, c'est pas la même chanson. Madame, d'après vos dires, vous avez été assignée à résidence dans une maison confortable, de type occidental. En revanche, vous, monsieur, vous avez été jeté en prison. Vous pouvez expliquer cette différence de traitement? Et voilà, pour vous, madame. Tiens, ça c'est pour toi. Tu le mérites pas, mais qu'est-ce que tu veux, je suis trop gentil. Alors, les petits canards, vous avez avoué, hein? Vous êtes des vilains agents nord-coréens. Adjugé, vendu. Allez, on peut rentrer à la maison. Vous êtes très intéressant à observer. Ah oui? Je vous plais? Nous parlions de la différence de traitement à leur arrivée en Corée du Nord. Mais jolie maison, jolie prison. Dites-moi, madame Choi Eun-hee, n'avez pas un petit peu le béguin pour vous, l'ami Kim Jong-il? Il m'a toujours traité avec le plus grand respect, dans les premiers jours de ma captivité. Il m'a invité à venir voir un film chez lui. Il avait une salle de projection dans chacune de ses maisons. Il possédait des dizaines de milliers de copies du monde entier. Le film s'intitulait « Le 41e ». Je ne me souviens plus du réalisateur. Oh, c'est pas très grave. Grigory Tsoukhaï. C'est ça. Merci, Jim. Un film soviétique de 1956. Tu es une vraie encyclopédie. Voilà, et moi ma spécialité c'est les pâtes à la carbonara, mais c'est pas le sujet. Bon, alors si on pouvait avancer un petit peu, ça me ferait plaisir. L'action se déroule durant la guerre civile russe. Une tireuse d'élite, l'armée rouge, et un officier blanc tombent amoureux. Eh, c'est Roméo et Juliette. Tu peux arrêter d'intervenir toutes les 30 secondes? À la fin du film, se sent entaillie. Elle tue son amant. Sa 41e victime. Pour moi, le message était limpide. Kim Jong-il me faisait comprendre qu'il avait besoin de moi, mais que si je le trahissais, il me tuerait. J'ai passé les 6 premiers mois de ma captivité dans un centre de détention. J'étais persuadé qu'ils allaient me tuer. Je n'avais qu'une seule pensée, m'évader. Ils tentaient de me laver le cerveau. À longueur de journée, il fallait lire des livres à la gloire du régime, et après, ils venaient me poser des questions. Il passait aussi en boucle des discours de Kim Il-sung pendant des heures et des heures. Et alors, pour sauver ma peau, pour gagner du temps, j'ai fait semblant. J'ai joué le jeu. Mes gardiens semblaient satisfaits. Ils étaient même agréablement surpris par mon enthousiasme. Et pendant ce temps, je creusais un tunnel. Oh, sans déconner. J'ai réfléchi en tant que réalisateur et scénariste. Je me suis dit dans un film, que ferait ton personnage principal? Bon, je viens de le dire, il ment, il parvient à manipuler les manipulateurs. Mais tout ça pour faire quoi? Pour s'évader? Et comment? En creusant un tunnel. Ah, comme dans la grande évasion. C'est tout à fait ça, hein. Et vous avez creusé avec quoi? L'aspect technique de cette évasion est sûrement très intéressant, mais on y reviendra plus tard, ouais. Non? Et ça marchait, hein. Je me suis évadé. J'ai volé un vélo, et après j'ai sauté dans un train de marchandises. J'avais une chance sur deux. Soit le train partait vers la Chine, soit qu'il retournait vers la capitale Pyongyang. Ah, ça me fait penser à un film français, ça. C'est pendant la guerre, il y a un type qui traverse toute l'Allemagne avec sa vache. C'est pas con, ça. À la fin, il dit au revoir à la bestiole, il prend un train direction Paris, mais il se trompe de train et il retourne en Allemagne. Franchement, Peter, ce que tu viens de dire, est-ce que ça a un quelconque intérêt? Eh oui, oui, oui, pour ceux qui savent additionner 2 plus 2. Oui. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être au cinéma. Alors c'est quoi la prochaine séance? T'as l'acte 17? Vous ne me croyez pas, hein? Je suis pas là pour croire, moi. On n'est pas à l'église. La vache et le prisonnier. C'est ça, la vache et le prisonnier. On peut continuer, j'ai l'impression qu'on s'écarte légèrement du sujet, là. Ah non, je suis pas d'accord, moi. Pour moi, cette histoire, c'est que du cinéma. Après ma tentative d'évasion, ils m'ont envoyé au 6e camp de concentration. C'est un endroit réservé aux criminels de Caire. Mais quel Caire? Contre qui? Contre le peuple. Tous coupables. Des milliers de gens, têtes baissées, dos courbés, des séances d'autocritique qui durent des heures, et quand ça ne suffit pas, la torture érigée en système d'éducation. Les cris, la nuit, je crois que je les entendrai toute ma vie. J'ai bien compris que je m'en sortirai pas, que j'étais foutu. Au bout de quelques mois, je me suis mis à glorifier la Corée du Nord. Mais bien sûr, ils m'ont pas cru. Ils ont attendu des mois, des années. Il fallait jamais se relâcher. Moi, j'ai écrit plusieurs lettres à Kim Jong-il pour l'assurer de ma loyauté. Pour lui dire que je voulais réaliser des grands films à la gloire de la Corée du Nord. Je n'ai jamais eu aucune réponse. Rien pendant 5 ans. 5 longues années, sans voir grandir mes enfants, sans le sourire de mes amis, sans le rire de la femme de ma vie. On me disait ce que je devais manger, quels vêtements je devais porter. Il ne restait plus rien de moi. C'était insupportable. Je me retrouvais face au vide de mon existence, au milieu de nulle part. Je me promenais dans le jardin, dans la montagne. À côté de la maison, on me donne l'autorisation de faire un potager. J'ai cultivé des pommes de terre, des concombres, des pastèques, des fraises, un peu de tout. Quand j'étais dans la montagne, ils ne me surveillaient pas. Pourquoi faire? Où est-ce que je serais allée? Alors, je me tournais vers le sud. Je criais de toutes mes forces. Je hurlais le nom de mes enfants, le nom de chaque membre de ma famille, de tous mes amis du cinéma. Ok, ce que je comprends pas. On vous enlève tous les deux dans le but de permettre au cinéma nord-coréen de redorer son blason. De faire des films à grand spectacle qui peuvent aller dans les festivals du monde entier. Et pendant 5 ans, il se passe rien. C'est vrai que les mecs, ils sont quand même sacrément secoués dans leur tête, hein. Au lieu de créer des écoles de cinéma pour réalisateurs, techniciens, comédiens, ils s'emmerdent pas, ils vont enlever les deux stars du pays d'en face. Hein, et pendant 5 ans, ils vous ont sous la main et ils ne font rien. C'est parce que vous essayez de comprendre l'incompréhensible. Ah bah oui. Il n'y a pas de logique en Corée du Nord. Ou alors, c'est la logique du cauchemar éveillé. Alice au pays des merveilles, sans les merveilles. Ils ne conçoivent les rapports humains qu'en termes de domination et de soumission. Avant de nous confier la direction d'un film, ils voulaient faire de nous des marionnettes qui obéissent au doigt et à l'œil. Et donc, au bout de 5 ans, vous êtes devenus des pantins prêts à l'emploi. Oui, on peut dire ça comme ça. Hein. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient pas toutes les ficelles en main. Si nous n'avions pas baissé la tête, courbé les chines, Choi serait toujours dans sa maison au milieu de nulle part. Et moi, je serais sûrement mort en prison. Bon, vous n'avez pas faim, là? Moi, je commence à avoir la dalle avec cette histoire de potager. Je mangerai bien quelque chose. Moi aussi. Sans te commander, Jessica, tu peux commander des hamburgers? Peter, on est en Autriche. Ah oui, merde. Et puis, les bretzels. J'aimerais bien qu'on aille au bout de cette discussion avant de faire une petite pause. Vous appelez ça une discussion? Non, mais bon. Écoutez, depuis tout à l'heure, vous nous racontez une belle histoire, mais on n'est pas obligé d'y croire. D'ailleurs, moi, j'ai un autre scénario à vous proposer. Ah. 2 stars déchues, l'un parce qu'il ne peut plus tourner dans son pays et l'autre parce qu'elle commence à avoir de la bouteille. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir de la bouteille? Je veux dire que le temps passe. Voilà. Que tu es trop vieille pour faire ce métier. C'est sympathique. Kim Jong-il vous fait un pont d'or pour venir travailler en Corée du Nord. Pour vous, monsieur Chin Sang-ok, des crédits illimités pour tourner tous les films que vous voulez. 11 productions et 7 réalisations en l'espace de quelques années. Ah, c'est beaucoup, vous ne trouvez pas? Pour quelqu'un à qui on a forcé la main. Et pour vous, madame Choi Yun-hee, c'était l'assurance de retrouver des rôles à votre mesure dans les films de votre mari. Enfin, de votre ex-mari, futur mari, je ne sais pas comment l'appeler. Et ça a marché. Certains de vos films ont été projetés dans des festivals internationaux. Moscou, Berlin, on s'est remis à parler de vous. Vous vous êtes dit, ça y est, c'est reparti pour un tour. On va pouvoir foutre le camp de ce pays de malade, on va travailler en Europe, aux États-Unis. Ça va être la belle vie. Et vous voilà ici, dans ce bureau, après une pseudo-évasion de votre hôtel 3 étoiles situé en plein cœur de Vienne. Qu'est-ce que vous pensez de mon histoire? Ça pourrait faire un bon film, mais ce n'est pas la vérité. Vous avez conscience que votre version des faits n'est pas du tout crédible? Oui. Vous qui êtes des gens de cinéma, est-ce que vous pensez qu'un scénario pareil a des chances de trouver une production? Non. Mais parfois, la réalité dépasse la fiction. Ouais, dans la fiction, je vous accueillerai à bras ouverts et on irait se taper une bonne choucroute, mais dans la réalité, il me faut des preuves, vous voyez? Parce que là, pour le moment, c'est uniquement votre parole à tous les deux et c'est pas du tout suffisant pour obtenir l'asile politique. Ching, il faut qu'on parle de cassettes. Oui, je crois qu'il est temps. De quoi? Des cassettes? Des cassettes. Quelles cassettes? Je me suis dit, ils vont jamais nous croire. Si nous parvenons à nous évader, les services secrets occidentaux n'accorderont pas le moindre crédit à une histoire aussi délirante. C'est trop gros. Trop énorme. Alors nous avons décidé d'enregistrer avec un dictaphone nos discussions avec Kim Jong-il. Quoi? Je mettais le dictaphone dans mon sac à main. Et puis voilà. Nous avons aussi enregistré des conversations au téléphone. Elles sont où ces cassettes? Comme ça, vous avez toutes les preuves qu'il vous faut. On l'entend plusieurs fois parler de notre enlèvement, de nos conditions de détention. Vous avez des enregistrements de Kim Jong-il? Elles sont où ces cassettes? On connaît même pas le son de sa voix. En troisième fois, elles sont où ces cassettes? J'en ai une dans mon sac à main avec le dictaphone. Les autres sont dans ma valise. Vous voulez écouter? Non. Mais c'est très intéressant. Ne parlez pas que de nous ou de cinéma. Ils parlent plein d'autres choses. Ouais, mais justement, je veux pas savoir, moi. Allô? Le poste de garde, oui. Contactez Gary Newman. Oui, c'est ça, l'attaché culturel. Non, j'ai pas son numéro de téléphone, non. Il y a une heure, j'étais encore dans l'avion. Bon, je veux le voir dans maximum 5 minutes. Salle 308, troisième étage. Mais je comprends pas pourquoi on voulait pas écouter la cassette. Nous ne sommes pas habilités pour avoir accès à ce type de documents. Ce qui veut dire que nous allons partir et que d'autres personnes vont venir. Et nous allons tout reprendre à zéro? C'est la procédure. Et moi, avec un peu de chance, je vais voir le match avec ma fille. Après avoir vécu 2 ans sous la protection du gouvernement américain, Chin et Choi s'installèrent à Los Angeles. À Hollywood, Chin Sang-ok ne parvint pas à trouver du travail en tant que réalisateur, mais il connut un succès commercial en produisant pour Disney la série Les Trois Ninjas. Choi Eun-hee arrêta sa carrière de comédienne. Chin Sang-ok est décédé en 2006. À ce jour, en Corée du Sud, nombreux sont ceux qui doutent encore de la thèse de son enlèvement. Sa femme Choi Eun-hee est aujourd'hui âgée de 91 ans. C'était l'enlèvement de 2 étoiles dans le ciel de Corée. L'affaire Chin Sang-ok et Choi Eun-hee. De Philippe Touzet. Avec Hélène Viviès, l'agent spécial Jessica. Yannick Chouara, l'agent spécial Peter. Yves Yan, Chin Sang-ok. Lan Q, Choi Eun-hee. Grégoire Lagrange, un membre de l'ambassade. Et la voix de Milan Morotti. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Manon Houssin. Bruitage, Patrick Martinache. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Sophie Haute-Picon. La bande-annonce qu'on entend de Le journal d'une jeune coréenne sorti en 2007 en Europe. C'est l'histoire assez banale d'une jeune fille volontaire et passionnée qui quitte sa famille rurale pour devenir une ouvrière et une camarade exemplaire. C'est à ce jour le seul film qui ait dépassé les frontières de ce petit pays qui reste à l'écart de tous les échanges, y compris culturels. Et pourtant, il ne faudrait pas croire que la Corée du Nord ne produise pas de films. Et si j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'il ne faut pas négliger le côté cinéphile de son ex-dirigeant Kim Jong-il qui vient de décéder. Il avait une grande salle de cinéma juste pour lui, avec des milliers et des milliers Alors, de films. Alors, on ne sait pas exactement, mais plusieurs sources, en effet, lui attribuent par exemple la plus grande vidéothèque du monde, vidéothèque privée, avec plus de 20 000 DVD, et parmi eux, bien sûr, un grand nombre de films américains. C'est toute l'ironie de la chose. On dit que Kim Jong-il appréciait particulièrement les James Bond et Elizabeth Taylor. Bonjour Juliette Morio. Bonjour. Vous êtes, comme je le disais en début d'émission, co-auteur avec Dorian Malovitch de La Corée du Nord en 100 questions chez Texto. C'est un livre très instructif et qui va d'ailleurs largement au-delà des idées reçues. Parfois elles sont justes, parfois elles sont fausses. Bref, vous avez été professeur à l'université de Séoul en Corée du Sud et vous avez été directrice de séminaire sur les relations intercoréennes, justement, à l'école de guerre de Paris. Et vous y étiez il y a un mois encore à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. Alors on vient d'écouter cette archive. Kim Jong-il était-il ce dictateur obsédé par le cinéma jusqu'à faire enlever deux personnes pour assouvir sa passion ou avec d'autres objectifs ? Alors, Kim Jong-il, en effet, était passionné de cinéma et on l'a dit, il avait une énorme filmothèque chez lui. Et d'ailleurs, en général, les Coréens du Nord sont passionnés de cinéma et de cinéma occidental. Par exemple, un des hits actuellement en Corée du Nord, bien sûr, c'est Titanic. À ceci près que Titanic a été un tout petit peu censuré. La fameuse scène d'amour dans derrière les vitres pleine de buée a été censurée en Corée du Nord, mais tout le monde connaît ce film. Ceci dit, en effet, il était passionné de cinéma, il était passionné d'art, et j'ai rencontré d'ailleurs un défecteur nord-coréen que j'ai rencontré à Séoul il y a quelques années, qui me disait qu'il aurait été probablement extrêmement doué comme metteur en scène, et que c'était véritablement une passion au fond de lui. Alors pourquoi est-ce qu'il a kidnappé ce fameux couple ? C'était bien évidemment pour assouvir sa passion, c'était pour lancer finalement l'industrie cinématographique nord-coréenne, mais il a kidnappé également beaucoup d'autres personnes et en effet pour d'autres motifs. Alors, quels sont ces motifs ? Alors, on a beaucoup kidnappé en Corée du Nord dans les années 70 et 80, essentiellement pour former les Nord-Coréens du temps où Internet n'existait pas aux langues étrangères. C'est-à-dire que par exemple, en 87, vous avez eu un attentat, c'est au moment au plein cœur de la guerre froide, vous avez eu un attentat contre un avion sud-coréen, le Korean Air 858, qui a été réalisé par une femme qui s'appelait Kim Hyun-hee, qui depuis a écrit ses mémoires parce qu'elle est, elle est passée au sud, enfin elle a été arrêtée et puis elle a été graciée, et elle raconte son entraînement à Pyongyang dans des centres extrêmement précis et perfectionnés pour l'époque, où il y avait des étrangers qui enseignaient il y avait notamment une japonaise qui elle-même avait été kidnappée au Japon. C'était une gamine, elle rentrait de son cours de badminton, elle a été manu militari fourrée dans un sac et embarquée en direction de Pyongyang. Et là-bas, vous avez eu des Japonais qui ont été kidnappés, vous aviez des Sud-Coréens, mais vous avez également eu des Occidentaux et notamment, je crois, deux Françaises. Et toutes ces personnes ont été embarquées, ont disparu du jour au lendemain. Ont été embarquées vers la Corée du Nord et on n'a plus entendu parler d'elles. Et c'est d'ailleurs une épine du pied dans les relations entre le Japon et la Corée du Nord. Oui. La Corée du Nord a reconnu 13 enlèvements. Alors que la réalité est probablement supérieure. Bien supérieure. Bien supérieure. Oui. Il y en a des centaines, on ne sait pas exactement combien sont partis, mais ce sont eux qui servaient finalement de professeurs d'espionnage dans les écoles d'espionnage de Pyongyang. Aujourd'hui, les Nord-Coréens parlent bien les langues étrangères, mais grâce à Internet. Donc, est-ce que ça continue ces enlèvements ? Non, aujourd'hui c'est terminé. Ces enlèvements, c'est passé. Alors vous avez quelques histoires par contre qui sont très très romanesques. Vous avez notamment, je crois, une jeune Roumaine qui dans les années 80, je ne résiste pas au plaisir de vous le raconter, a été embarquée à Pyongyang parce qu'elle a été séduite par un brou nord-coréen qui lui a promis d'exposer ses tableaux dans des galeries en Asie. Et puis une fois arrivée en Asie, il l'a emmenée en voyage de noces, rencontrer ses parents à Pyongyang. Et puis arrivée à l'aéroport de Pyongyang, il s'est volatilisé et elle n'a jamais quitté le pays. Donc je résume, je suis un pays, je ne sais pas faire du cinéma, mais j'adore ça. Pour l'art, c'est pareil, donc je vais piller, voler ce qu'il y a à côté, j'enlève des gens, on est bien dans l'état voyou. C'est pas la Corée du Nord, c'est pas que du fantasme de penser que c'est un état voyou. À l'époque, certainement. C'est-à-dire, à l'époque, on était en pleine guerre froide. Mmh. Et je pense qu'en fait, c'était un fantasme, un rêve de Kim Jong-il qui admirait profondément le cinéma sud-coréen et qui admirait cette actrice, Choi Eun-hee et Shin Sang-ok. Donc, il a créé son cinéma et il voulait avoir tout à portée de main. Mais finalement, même cette actrice, Choi Eun-hee, n'a jamais réussi à dire du mal de Kim Jong-il. C'est ça qui est surprenant. Oui. C'est-à-dire, elle dit qu'il a toujours été extrêmement respectueux à son égard. Donc je pense qu'il s'est offert un énorme cadeau, un énorme plaisir en kidnappant ce couple. Ouais. D'ailleurs, au moment où le couple a fait défection à l'ambassade de Vienne, ce qui est assez drôle, c'est que les Nord-Coréens ont fait passer un message au couple en leur disant « si vous voulez revenir à Pyongyang, on va vous aider ». Donc, ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient faire défection. Alors, est-ce qu'il y a une sorte de syndrome de Stockholm ? Notamment pour ces deux-là, est-ce que de Vienne, pour le coup, ils épousent la cause qui leur a quand même provoqué de sérieux ennuis. Non, quoi. Je parlerai pas de syndrome de Stockholm pour ce couple. Je dirais simplement qu'ils n'avaient pas le choix. Mmh. Il faut dire que quand ils étaient en Corée du Nord, ils ont quand même passé pas mal de temps en isolement et la vie était pas très difficile, était extrêmement difficile. Donc, comment s'en tirer si ce n'est essayer de tirer le meilleur parti de ce qui leur était offert, finalement de se voir tous les deux, de travailler ensemble, et ils ont quand même saisi la première occasion pour fuir le pays. Mais c'était un plan de longue haleine. Je ne pense pas qu'il y ait le syndrome de Stockholm. En revanche, ce qui est important de comprendre, c'est que malgré les apparences, au nord comme au sud, on est malgré tout coréen. Donc ce sont bien des frères ennemis. Il y a quand même des liens entre les deux pays, et des liens émotionnels. Mais bien sûr, on y reviendra sur une unification, réunification possible, peut-être un jour, enfin quand même. Ce que vous nous racontez, ça crée le réflexe naturel de se demander si ces gens-là sont pas complètement cinglés quand même. C'est des fous. Est-ce que ce sont des fous? Parce que faut quand même être... C'est quand même du ressort de la folie que d'aller kidnapper des personnes étrangères, de leur voler leur vie, leur liberté, pour... Bah pour faire comme les autres pays, avoir un cinéma, un art. Sont des fous, pas, dites-moi. Alors, à l'époque, bien évidemment, ces kidnappings sont complètement fous. Mais si vous me posez la question un petit peu plus large, en élargissant, est-ce que les Nord-Coréens sont des fous? Non, ils ne sont non, pas attendez, fous. Non, attendez, je ne vous ai pas posé la question très volontairement. Il ne me serait jamais venu à l'idée de vous dire, est-ce que les Nord-Coréens sont des fous? Je parle des gouvernants, je parle de cette dynastie-là. Alors, c'était un coup de folie de la part de Kim Jong-il que de kidnapper en effet ce couple, mais non, ils ne sont pas fous. D'ailleurs, s'ils étaient fous, ils ne seraient plus au pouvoir depuis longtemps. Et quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez que finalement, ils sont au contraire extrêmement rationnels. Stop. Vous dites qu'ils sont extrêmement rationnels, ça nous interpelle. On va pas faire durer le suspense exprès, moi. On va reprendre un petit peu notre souffle hein, pendant 3 minutes. Et puis alors, vous me direz juste après pourquoi ils sont rationnels. Parce que franchement, ça interpelle. C'est une ville que je connais. Une chanson que je chantais, y'a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur, j'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. On a babocagnoso, benabi colognoso. Avec des mots passés sous le manteau qui brillaient comme des couteaux. Ils jouaient de la dérision comme des armes de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs. Font rire les enfants mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Solitude. Il y a du sang sur mon piano, il y a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs qui font grincer les dents du grand libérateur. N'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Donc, nous parlons de la Corée du Nord. Je vous dis, est-ce que ces régimes sont des régimes de cinglés, de fous? Vous me dites non, ils sont rationnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis les origines, la Corée du Nord mène une politique parfaitement logique et rationnel. D'ailleurs, il ne serait plus au pouvoir si ce n'avait pas été le cas. Finalement, aujourd'hui, on entend parler, on est au plein cœur de tensions sur la péninsule. On a un jeune Kim Jong-un, un jeune leader qui est en train, qui brandit l'arme nucléaire. Mais c'est pas de la folie. Depuis le lendemain de la guerre de Corée, la Corée du Nord se sent sous menace directe américaine. Il faut dire qu'avec 30 000 soldats américains au sud, à peu près autant au Japon, un soldat américain sur trois basé à l'étranger, basé dans cette partie du monde, des manœuvres plusieurs fois par an qui miment finalement la destruction de la Corée du Nord, on comprend dans une certaine mesure qu'ils se sentent sous menace américaine. Donc ce tout petit pays qui est la Corée du Nord, il faut comprendre que la péninsule coréenne, c'est grosso modo la taille de la Grande-Bretagne. Alors vous imaginez l'Angleterre et l'Écosse. Donc c'est un tout petit pays qui finalement fait face à l'énorme puissance américaine et qui ne veut pas, on me l'a dit à Pyongyang, j'y étais encore il y a un mois, j'étais au mois de novembre, ils ne veulent pas terminer comme Kadhafi ou Saddam Hussein. Donc la seule façon de pouvoir tenir tête aux États-Unis, c'est finalement, et de ne pas être englouti, c'est d'avoir l'arme nucléaire. Donc c'est un petit peu David et Goliath. Donc ça veut dire, vous pouvez nuire à qui vous voulez parmi les pays de notre région. Mais nous, non, parce que nous, on a l'arme nucléaire. C'est ça, en fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur propre survie. Exactement. Ouais, attendez. C'est pour ça que, dans une certaine mesure, ils ne menacent pas les États-Unis, parce qu'ils savent pertinemment que s'ils attaquaient, ils seraient détruits. Ils ne sont pas idiots. Oui, mais les pays qui détiennent la bombe nucléaire aujourd'hui, alors il y a les pays qui la détiennent officiellement, il y a ceux qui la détiennent officieusement, ce sont quand même des pays, si je ne me trompe pas, qui ont des relations internationales normales ou quasi normales avec les autres pays. Là, on en a un qui a l'arme nucléaire et qui est quand même au banc des nations. Donc comment ne pas avoir peur et comment ne pas dire c'est une situation anormale ? Eh bien, pour la simple raison que tout ce qu'ils veulent, encore une fois, c'est leur propre survie. Ils ne veulent pas être détruits. Et quand vous avez des réactions comme celle de Trump aux Nations Unies qui menacent la Corée du Nord de destruction, finalement, ça fait le jeu de la Corée du Nord. Le jeune Kim Jong-un apparaît comme le défenseur du pays. Et plus Trump finalement s'agite, menace, plus Kim Jong-un apparaît comme quelqu'un de pacificateur. Mais encore une fois, ce qu'il recherche, paradoxalement, derrière tout cela, ce que recherchent les Nord-Coréens, c'est un traité de paix sur la péninsule. Il ne faut pas oublier que techniquement, Corée du Nord et Corée du Sud sont toujours en guerre. Et ce qu'ils voudraient, c'est un traité de paix sur la péninsule et un pacte de non-agression de la part des États-Unis. Donc, ce que vous nous dites, c'est que finalement, le plus dangereux des deux, alors c'est vrai que les Américains n'ont pas élu le plus finaud de tous leurs présidents, mais qu'entre les deux, le plus dangereux, ce serait celui de l'Ouest, quoi. Celui qui est peut-être aujourd'hui le plus difficile à comprendre et à déchiffrer, c'est peut-être Trump. Et je dirais que dans son discours du Nouvel An il y a quelques jours, Kim Jong-un, en appelant finalement au dialogue avec la Corée du Sud, et finalement ce que Trump lui-même appelait un smart cookie, c'est-à-dire un petit malin, c'est-à-dire il est assez fin diplomate parce qu'il arrive même à retourner la situation et ridiculiser presque le président américain qui dit qu'il a un plus gros bouton nucléaire que celui de la Corée du Nord, et lui finalement tend un rameau d'olivier à la Corée du Sud, et il apparaît comme un chef d'État calme et un pacificateur. C'est presque le monde à l'envers. Oui, enfin, j'imagine que les Nord-Coréens ne voient pas forcément comme ça. Si c'était un pays de liberté, si c'était un pays où les droits de l'homme étaient respectés, ça saurait quand même. Il y a ça aussi. Paradoxalement, ce que vous dites, c'est les nations étrangères ne le voient pas comme ça. Les Nord-Coréens aiment beaucoup Kim Jong-un, et c'est quelque chose qui est très difficile. Ils aiment beaucoup ne pas avoir de liberté, ne pas avoir droit de dire ce qu'ils veulent, de se retrouver en prison. Ils ne savent pas cela. Ah, ils savent pas. Ils ne savent pas. Mmh. La Corée du Nord, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre présentation, est un royaume ermite. C'est-à-dire, il y a peu de relations avec le monde extérieur. Ouais. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe à l'étranger. Ils aiment profondément leur pays. Ils sont profondément et viscéralement persuadés qu'ils sont sous menace directe américaine et qu'ils risquent d'être détruits. Et encore une fois, les déclarations de Donald Trump ne vont pas à l'encontre de cette idée. Et ils veulent se défendre. Alors, ce jeune homme qui leur a donné, ce Kim Jong-un qui leur donne finalement l'arme nucléaire, qu'ils considèrent comme une arme de dissuasion, finalement, ils l'apprécient. Ça veut dire qu'il n'y aurait rien à craindre de la possession de cette arme nucléaire par les Nord-Coréens, dans la mesure où ce serait pour eux, d'abord, une arme de dissuasion et non pas d'attaque, c'est ce que vous voulez dire ? C'est une arme de dissuasion et non pas d'attaque. Encore une fois, si la Corée du Nord attaquait, elle sait très bien qu'elle serait détruite. Or, ce que les Nord-Coréens veulent, c'est la survie du régime. D'accord. Comment se fait-il qu'ils aient les secrets de la bombe nucléaire, quand on sait à quel point c'est compliqué sur les Chinois ? Alors, déjà, le programme nucléaire nord-coréen a commencé au lendemain de la guerre de Corée, donc dans les années 50. Mmh. Ça ne date pas d'hier. Et ceux qui les ont aidés, ce sont les Soviétiques, puis les Chinois. Et puis, il ne faut pas oublier que vous avez le père du nucléaire pakistanais, Abdul Qader Khan, qui a donné les secrets, finalement, de la technologie à l'uranium à la Corée du Nord. Donc, ils ont été aidés. Et puis en plus, je vais vous dire quelque chose de très étrange. Les Coréens du Nord et les Coréens du Sud, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que quand en Corée du Sud, vous avez une société confucéenne qui aime le militaire, vous savez que la Corée du Sud a été une dictature longtemps, une société extrêmement disciplinée par le confucianisme et qui a donné naissance à ce que vous avez peut-être dans votre poche, un portable Samsung, à de la haute technologie. Je crois qu'il y a beaucoup de protestants en Corée du Sud. Vous avez des protestants aussi qui ont aidé à ce développement. Mais je pense que c'est le confucianisme qui unit les deux pays. Et vous avez ces manifestations de masse. Au Corée du Sud, grosso modo, vous avez Samsung qui donne des portables et la haute technologie. Au Nord, vous avez cette même discipline, mais ça donne des missiles et des bombes nucléaires. Et c'est une même société, une société qui aime le militaire, une société disciplinée par le confucianisme, sur laquelle s'est placée l'idéologie du régime, et ça donne des missiles balistiques. Ce sont les mêmes sociétés qui ont donné, finalement, qui ont généré deux sociétés différentes. Alors, un raisonnement peut-être un peu simple, mais logique, pourrait dire, par exemple, que la pacification de cet ensemble coréen, ça serait la réunification. Est-ce que vous pensez que de notre vivant, nous verrons, alors on va pas faire de politique fiction, mais est-ce qu'il est possible, est-ce que les éléments politiques, géopolitiques sont réunis pour que la Corée se réunifie? Quand l'Allemagne était coupée en deux, ça paraissait improbable, on se disait on verra ça, jamais ça de notre vivant, on l'a vu. Est-ce que vous pensez qu'on va très logiquement vers une réunification, de toute façon? Je pense qu'à un moment ou un autre, il y a une réunification. Mais en fait, la Corée du Nord, il y a un proverbe en Corée qui dit que quand les baleines se battent, les crevettes trinquent. Les baleines, ce sont les puissances mondiales. La Corée n'a jamais été véritablement maîtresse de son destin. Et encore une fois, elle n'est toujours pas maîtresse de son destin. Parce que, très rapidement, prenons les protagonistes. Les Coréens du Nord, eux, voudraient une fédération avec une péninsule et deux régimes. Mais c'est utopique. Les Coréens du Sud n'ont pas véritablement, ils ont l'exemple de l'Allemagne justement, ils n'ont pas vraiment envie, hormis romantiquement, d'une réunification, parce que le niveau de vie est trop différent entre les deux et ils ont leur propre économie à remettre sur pied. Mais le plus important, c'est que vous avez la Chine, je vous parle des baleines là, vous avez la Chine qui n'a pas envie d'une Corée réunifiée, qui lui mettrait finalement les États-Unis à ses portes. Elle n'accepterait pas d'avoir des troupes américaines si proches, donc elle a besoin de l'état de tampon nord-coréen. Oui. Et puis, vous avez surtout les États-Unis. Si la Corée était réunifiée, quelle raison aurait-il de garder des troupes dans cette région du monde? Finalement, une Corée du Nord qui est là, face à la montée en puissance chinoise, quand même seconde puissance mondiale, une Corée du Nord diabolisée, et finalement bien pratique pour garder ses troupes dans cette partie du monde. Donc c'est une sorte de statu quo dont joue habilement la Corée du Nord. Bien, vous étiez à Pyongyang il y a un mois, vous y allez, vous pouvez y aller, pas tout le monde. Vous êtes l'une des intellectuelles françaises admises par ce régime-là. Disons que j'ai fait des études de coréen à Langzhou et que j'ai écrit, je suis historienne, j'ai parlé de la Corée, je parle coréen, j'y vais, j'essaie d'être fair-play et de ne pas me baser que sur des sources américaines. Bien, merci infiniment Juliette Morio, la Corée du Nord, en sans question. Je vous le conseille parce que ce sont des petits chapitres en plus, donc on peut passer d'un thème à un autre et on découvre plein de choses. C'est passionnant, merci. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, l'enlèvement de deux étoiles dans le ciel de Corée. Une fiction écrite par Philippe Touzet, réalisée par Sophie Houle-Picon. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet. Programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation Étienne Bertin. À la technique aujourd'hui, Florent Layani.